C'est quoi cet Angambi Abel, Omi? Tu respectes pas? Hein? Toi, l'Algérino, le mec au million de tubes? Ah, excuse-moi, au milliard de tubes! Je t'explique. Taxi, c'est Marseille, gros. Te casse pas la tête, Bellomi. Ah, les gars? Bon, on va pas passer par 4 chemins des égalades. Pareil que vous faites taxi 5? Ouais. Y a pas de taxi 5 si je fais pas la BO. DJ Core, pas DJ Core. Tu as compris? Oui, j'ai compris, mais on fait pas de rock'n'roll, Elvis, excuse-nous. C'est, hein, c'est mais... pas moi, t'as compris, Elvis, mais c'est pas bon, bref. La banane, c'est autour de la taille, hein, normalement. Bon, t'as quelque chose à nous proposer? Bengus, clavier, s'il te plaît. Eh, mon dieu! Putain! Qu'est-ce qu'il a, toi? Concentre-toi, Amino. Excuse-moi, Bellomi. Allez, joue-moi 2-3 notes de caliente, s'il te plaît. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal, hein? C'est bien, ça. C'est qui les méchants dans Taxi 5? C'est les Italiens. 2-3 mots en italien, s'il te plaît. Mozzarella, panna cotta, va bene ma bella. Quoi? Tutti. Avant, t'as dit quoi? Del Piero? Non. Ah, va bene ma bella? Ouais. Va bene ma bella. Pas mal, ça. Ah ouais? Tu connais des trucs? Vas-y, fais-en. Moi, je parle pas italien. La la la la. C'est pas mieux. Va bene ma bella, la la la la. Voilà. Je trouve ça bien, moi, mais... Il manque un truc. Si tu veux que ça cartonne vraiment, il manque un petit truc. Un peu d'autotune dans ta gorge. Vas-y, refais. Va bene, ma bella. La la la la. Voilà. Là, c'est bon. Là, oui. Là où tu es le truc. Oui. Là où on est des monstres. Là, c'est là, bon. Là, on est des chauds. Alerte générale. Taxi 5. C'est l'Algier, DJ Core. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, mardavé devant la vie. Tu veux la marie, mais faut les billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va venir ma belle là. Tu as Marseille dans ma favela. La, va venir ma belle là. Je la fais danser la macarena. J'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, à sa wake of fame. Ah ouais, ah ouais. Gosse tout de suite en hélico. Marseille, c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée. Les petits chez moi les font cavaler. Lamborghini Gallardo. J'bois une petite Mantalo. Ah, tu m'as vu à la télé. Gianni Versace, tu me reconnais, ma chérie. J'suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est quand t'es chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va bene ma bella, la, la, la. J'suis à Marseille dans ma favela, la, la, la. Va bene ma bella, la, la, la. J'la fais danser la macarena. Elle est pleine de manie, elle fait la difficile. J'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, à sa wake of family. Ah ouais, ah ouais. J'suis posé seul en terrasse. Le cousin lève le T-Max. Je crois que je vais finir en serrage. Tu rends fou le compte de ta race. HLM au bord de la mer. Tu es en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux minots? Sont tous devenus parano. Ma chérie, je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venir.